Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Victor Hugo et la bataille d'Hernani. Paris, 25 février 1830 au Palais Royal. Les habitués de la comédie française n'en croient pas leurs yeux. Mais qui sont donc ces énergumènes, ces jeunes chevelus qui ont envahi la salle Richelieu, ce haut lieu du théâtre et du bon goût? Ils rient, parlent fort, chantent, boivent du vin et mangent du cervelas. Quelle honte! Mais quand enfin résonnent les trois coups, c'est avec ferveur que ces jeunes insolents voient le rideau rouge se lever sur la scène. Ce soir, ils sont venus en masse pour soutenir leur héros, Victor Hugo, l'auteur d'Hernani, une pièce qui, dans la morosité de la France de 1830, doit ni plus ni moins révolutionner la littérature. La fameuse bataille d'Hernani. Théophile Gautier, qui a alors à peine 19 ans, se souviendra toute sa vie de ce souffle de liberté. « Tout le monde était jeune alors, dit-il, enthousiaste, plein de foi et résolu à vaincre ou mourir dans la grande bataille littéraire qui allait se livrer. » On a du mal à imaginer qu'une pièce de théâtre ait pu soulever une telle passion. Pourtant, le combat que Victor Hugo et ses amis ont mené en 1830 n'a aujourd'hui pas pris une ride, celui de donner au plus grand nombre le meilleur de l'art. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Florence Nogrette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de littérature à Sorbonne Université, membre de l'Institut Universitaire de France, spécialiste du théâtre romantique et de Victor Hugo, c'est notre sujet de ce soir. La bataille d'Hernani, les jeunes romantiques qui ont assisté à cette première, donc le 25 février 1830, puis après il y a eu les 50 représentations qui ont suivi. Est-ce qu'ils ont vraiment eu le sentiment de vivre un moment historique et révolutionnaire, de livrer une bataille aussi? Ils ont eu le sentiment de livrer une bataille, hein, assurément. Ils s'étaient entraînés pour, ils avaient été chauffés à blanc par Victor Hugo pour mener cette bataille qui consistait à acclimater le public de la comédie française au romantisme et à consacrer la littérature romantique sur cette scène qu'est la comédie française. Ils ne pouvaient pas deviner que ça deviendrait une grande date de l'histoire littéraire, en revanche. Donc, ils ne pouvaient pas avoir la conscience du caractère historique. Mais peut-être certainement avaient-ils la conscience du caractère mémorable de la chose, mais peut-être pas du caractère mémoriel de la chose. C'est rétrospectivement. Quand on a 20 ans, on est moins intéressé par ça. Mais rétrospectivement, c'est devenu une date phare. Théophile Gautier, donc, qui est un des jeunes qui participe à cette soirée, il a alors à peine 19 ans et il comparera cette armée à l'armée d'Italie, celle de Bonaparte. Il y a quand même une référence à Bonaparte, à la Révolution. Cette référence à la bataille, tout ce champ lexical de la bataille qui est développé dans les récits qui en seront faits par les romantiques eux-mêmes et aussi par leurs adversaires pour leur reprocher ce combat, enfin ce caractère prétendument agressif de ce combat, s'explique par le fait qu'au XIXe siècle, il y a l'idée que la plume doit remplacer l'épée, que les grands hommes de demain, ce seront les intellectuels, enfin le mot n'existait pas encore à l'époque, mais enfin les penseurs, les écrivains, les hommes de théâtre, les romanciers, les artistes, et que ce génie-là doit remplacer le génie militaire. Quelle est la situation justement de la France à ce moment-là en 1830? On est loin de Napoléon et de la Révolution française. On en est loin, mais pas si loin non plus, finalement. C'est un passé historique, c'est récent, mais assez récent. Voilà. Et dans toutes les familles, il y a ce souvenir à l'échelle des pères ou des grands-pères, d'hommes qui ont combattu dans l'armée napoléonienne. C'est le cas du père de Victor Hugo, c'est le cas du père d'Alexandre Dumas également. Donc c'est quand même un passé qui est encore familial, même si eux-mêmes n'ont pas vécu la Révolution française. Mais là, en 1830... Alors, Hernani est écrit en 1829 et joué en février 1830, avant la Révolution de juillet 1830. Et donc, c'est une pièce de la Restauration qui est écrite dans un contexte politique très tendu, puisqu'à la fin de la Restauration, il y a un mouvement libéral qui, déjà depuis 2 ou 3 ans, agit pour obtenir des libertés qui ont été confisquées au début de la Restauration. Donc la Restauration a été instaurée en 1815, donc avec la monarchie de Louis XVIII, auquel a succédé Charles X en 1824, donc qui est le roi actuellement en 1830. C'est ça, c'est-à-dire que sous la Restauration, ce sont les deux frères de Louis XVI qui règnent successivement, Louis XVIII et Charles X. Et à la fin du règne de Charles X, les libertés sont réduites, la liberté de la presse a été réduite, l'Église a obtenu un très grand pouvoir, c'est ce qu'on appelle la collusion du trône et de l'autel, elle a la prérogative de collationner les grades universitaires, donc elle a la mainmise aussi sur le savoir, sur ce que l'on raconte à l'université. Et les journalistes sont remontés contre le pouvoir qui a limité leur liberté d'expression. Et le théâtre, à quoi il ressemble à cette époque-là, avant Hernani ? Le théâtre avant Hernani, c'est à peu près le même que le théâtre après Hernani d'ailleurs. D'un point de vue institutionnel, c'est un système qu'on appelle le système du privilège, où il y a deux sortes de théâtres. Il y a les théâtres subventionnés qui sont plutôt pour l'élite, et les théâtres non subventionnés, donc privés, eux, qui sont plutôt pour le peuple. Et ça, ça joue un grand rôle dans la bataille d'Hernani, parce que le romantisme n'est pas inventé en 1830, il est là, présent depuis déjà bien des années. Et il est déjà entré à la Comédie française en 1829, l'année qui précède, avec une pièce de Dumas et une pièce de Vigny. Donc Hugo n'est pas du tout le premier romantique à entrer à la Comédie française. Mais ce qu'il fait avec Hernani, c'est qu'il écrit une pièce qui a la forme d'une tragédie classique, mais il l'écrit dans une esthétique qui est une esthétique romantique, qu'on avait davantage vu jusqu'à présent sur les scènes plus populaires des théâtres privés. Et finalement, Hernani réalise cette conflagration entre ces deux systèmes institutionnels de théâtre, l'un plutôt pour l'élite et l'autre plutôt pour le peuple. Et tout le but des romantiques, ça va être de créer un théâtre unanimiste qui soit accessible à tous et qui donne le meilleur à tous, y compris au peuple. Victor Hugo, il est jeune, donc il a 28 ans, mais il a déjà une famille à charge. Il a déjà une famille à charge. Sa femme Adèle, épousée en 1822, 3 enfants. Il n'a pas de fortune personnelle, il doit travailler. Il doit travailler et il est un des seuls écrivains du 19e siècle à vivre vraiment de sa plume d'écrivain. D'autres écrivains vivent aussi de leur plume de journaliste. Lui, Hugo, doit absolument subvenir aux besoins de sa famille. Pouvez-vous nous résumer l'intrigue d'Hernani, Florence Nogrette ? Une intrigue assez compliquée, mais en quelques lignes. En quelques lignes, c'est une intrigue à la fois politique et amoureuse. La scène se passe au XVIe siècle, en Espagne. 3 hommes sont amoureux de la même femme. Elle, c'est Doña Sol. Elle, c'est Doña Sol, qui est une très grande dame, une très grande aristocrate. Et ces 3 hommes amoureux d'elle sont son oncle et tuteur, le vieux Don Ruy Gomez, le roi, Don Carlos, futur Charles Quint, et un proscrit, Hernani, dont elle est amoureuse. Florence Nogrette, je propose qu'on se retrouve tout à l'heure pour poursuivre cette discussion. Tout de suite, Victor Hugo et la bataille d'Hernani, un texte de Jean-Baptiste Sabiani, écrit spécialement pour Auteur n'emporte l'histoire. Réalisation, Baptiste Guiton. Ils vont céder, les crânes chauves vont céder. Sinistres petits inquisiteurs de l'esprit, je vous l'avais bien dit que je reviendrais à l'assaut. Qu'est-ce qu'ils croient ? Je ne suis pas de ceux qui renoncent. Je livre bataille, moi, et jusqu'à la victoire. Mes champs de bataille ne sont ni Arcole ni Rivoli, mais j'abattrai ces censeurs. Ah, ces médiocres valets du classicisme veulent brider la liberté de la jeunesse. Mais à un peuple nouveau, il faut un art nouveau. Hernani se présentera au public tel que je le vois, tel que je l'entends. Me voilà revenu comme au premier jour de lutte et de combat, et je repars à l'attaque. Nous sommes en marche. Paris, novembre 1829. En ce début d'hiver glacial, Victor Hugo quitte sa maison de la rue Notre-Dame-des-Champs, où il vit avec sa femme Adèle et leurs 3 enfants, et se rend d'un pas décidé au bureau du censeur Charles Briffaut. Écrivain, académicien aujourd'hui bien oublié, Briffaut incarne l'ordre ancien auquel se heurte le jeune poète. Depuis plusieurs mois, Hugo est au cœur d'un affrontement entre 2 camps que tout oppose. D'un côté, la littérature officielle et ses conventions, au service du pouvoir politique de plus en plus réactionnaire et contesté du roi Charles X. de l'autre, une jeunesse romantique qui exalte la liberté artistique et politique. L'interdiction pure et simple, 3 mois plus tôt, de sa pièce, Marion Delorme, qui dépeignait Louis XIII en roi faible et dominé par Richelieu, loin de l'abattre, a galvanisé Hugo. Sous le coup de la rage, en moins d'un mois, il écrit une nouvelle pièce, Hernani, et pour échapper à la censure, prend bien soin de situer son action en Espagne à l'avènement de Charles Quint. Le texte est accueilli triomphalement par ses meilleurs amis, parmi lesquels Alfred de Vigny, Eugène Delacroix, Alfred de Musset ou Alexandre Dumas, et par les comédiens du théâtre français, le nom d'époque de la comédie française. Mais financièrement exsangue, Victor Hugo est à la merci de Charles Briffaut, qui a droit de vie et de mort sur son texte. Puis vous supprimerez le commencement du vers « Un mauvais roi ». Et puis pour finir, ah oui, vous supprimerez ce vers. Crois-tu donc que les rois à moi me sont sacrés ? À toutes ces conditions, et seulement, votre pièce pourra être représentée. Eh bien, je refuse. Quoi ? Les modifications que vous me demandez. Lesquelles ? Toutes. Toutes ? Elles attaquent l'ouvrage au cœur et ôtent leur sens à des scènes importantes. Il m'est impossible de les retirer. Et vous plaisantez ? Pas le moins du monde. Dans ces conditions, vous n'aurez pas d'autorisation. L'avis de la commission est impératif. Votre pièce ne pourra être jouée sans les modifications qui vous ont été notifiées. Pourquoi m'empêcher de livrer les vers qui coulent en moi ? Coulent en vous. Écoutez, je défends les intérêts de la couronne et du royaume. Tout simplement. Les vers que vous venez de citer ne leur nuisent nullement. Je pense que leur portée vous échappe. Le temps est à l'agitation, monsieur Hugo. Le roi est assailli par les demandes incessantes des libéraux. La confusion est partout. Le théâtre a des règles. Il est bon de les respecter. Mais il change de théâtre. Il se régénère. Il a besoin de nouvelles voix. Il a besoin d'ordre. Rasseyez-vous. Les formes anciennes ont fait leurs preuves. Et vous nous livrez un tissu d'extravagance, souvent trivial et parfois grossière, qui abonde en inconvenances de toute nature. C'est une opinion personnelle qu'on ne saurait généraliser. Beaucoup de mes amis... Enfin, le roi s'exprime comme un bandit. Le bandit traite le roi comme un brigand. La jeune aristocrate est une dévergondée sans dignité ni pudeur. Il vous est simplement demandé le retranchement du nom du Seigneur partout où il se trouve. Et des passages que je vous ai lus qui ne respectent pas la dignité royale. Mais, monsieur Briffaut, je parle d'un autre roi, d'un autre temps. L'histoire et la licence poétique autorisent que l'on parle ainsi d'un roi qui régna il y a plus de 3 siècles. L'estime dont jouit un jeune poète, pensionné par sa majesté, ne saurait nous détourner de la défense des intérêts du royaume. Il vous faut retrancher. Comment expliquez-vous que tous les théâtres de Paris me réclament ce texte ? 3 troupes de théâtre ne sont pas Paris. Et Paris n'est pas le royaume. Ton jugement est archaïque, Briffaut, médiocre écrivain. Mais tu tiens ma vie entre tes mains. J'ai besoin de l'argent que pourrait me valoir Hernani pour Adèle et les enfants. Je n'ai plus un sou et tu le sais, Forban. Me permettez-vous de réfléchir encore quelques heures ? Mais naturellement. Vous verrez, à tête reposée, que nous ne dénaturons pas votre pièce. Bien au contraire. Je vous raccompagne. Tu souhaites ma perte, mais je vaincrai. Il m'aurait écouté. Il aurait même pu rêver d'Académie française. Mais désormais, sa carrière va s'arrêter bien vite. Et l'on n'entendra plus parler de Victor Hugo ou de romantisme avant longtemps. Victor Hugo se rend au jardin du Luxembourg et retrouve un de ses plus dévoués disciples, Gérard Labruni, poète âgé de 20 ans à peine. Alors ? Il interdit certains vers et exige des corrections. Regarde. Alors, il faut retirer. Jésus, Seigneur, un mauvais roi. Douze vers de l'acte 4. Mais l'essentiel est préservé. Il autorise Hernani. Malgré sa jalousie et sa bêtise, Oui, Gérard. Tu vas être joué, Victor. Enfin, laisse-moi t'embrasser. N'est-il pas dégradant d'obéir aux injonctions de ce fossile de Brifaut? Tu as gagné. Il ne te reste qu'à modifier les vers interdits et un ami est monté. C'est ça l'important. Tu as raison. Le théâtre français va acclamer les vers de notre grand poète, Victor Hugo. Ce sera un moment historique. Que serais-je sans mes amis? Le baron Taylor m'a déjà promis un beau décor de Cid Chéri. Je sais exactement ce que je veux. Pour la fête de l'acte 5, tu vois, il doit être à la fois champêtre et somptueux. Quand j'étais enfant, mes parents m'avaient emmené à une fête. Oh, regarde, à droite, Vénus au Luxembourg. Gérard? J'ai déjà vu des hommes tétanisés par la beauté d'une femme, mais rarement à ce point. Allons, remets-toi, ce n'est qu'une femme. Excuse-moi, elle a passé comme un oiseau. Eh bien, fais-toi Oiseleur et va lui faire la cour. Ah non, je ne peux pas. Alors fais d'elle une héroïne de poème et fais-toi publier. Mais c'est un ordre. As-tu enfin trouvé un nom de plume? Peut-être. Je pense à un nom de mon enfance. Le Clos de Nerval. Gérard de Nerval. Gérard de Nerval, tu me dois un poème. Revenons à un ami. Tu me parlais des décors ou des costumes? Et le poème, je le veux dès ce soir. Courons annoncer la nouvelle à Adèle. Adèle, mon aimé, c'est un grand jour. Tu as gagné? Brifaut a aimé Hernani? Oh, je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Oh, Brifaut s'est évité le ridicule de censurer deux fois le plus grand poète vivant. Pour ce vieillard sénile, c'est un immense progrès. Oh, je suis si heureuse. Le plus difficile commence. Monter la pièce telle que je l'ai dans mon esprit. Choisir les comédiens, les décors, les costumes. Et corriger quelques vers? Oh, j'avais déjà oublié. Le théâtre français te donnera ce que tu voudras. Hernani sera le nouveau Cid, j'ai dit. Victor Hugo, demain, sera l'égal de Corneille. Et cela grâce à toi, Adèle. Je vous laisse. Je dois retourner à l'étude de notaire, où, pour plaire à mon père, je remplis le triste office de stagiaire. Oh, pauvre petit. Va, Nerval. Passe par le Luxembourg. Ne te perds pas en chemin. Nerval? Et pense à ce que tu dois me donner. Oui. Au revoir. Que lui as-tu dit pour qu'il pique un tel phare? Adèle, si Hernani est un succès, c'est promis, on déménage. Que préfères-tu? Le Faubourg Saint-Germain ou les Champs-Élysées? Mademoiselle Mars clamant tes vers au théâtre français? Le public sera subjugué. Elle seule peut incarner Donia Sol, hein, je te l'ai toujours dit. Brifaut me demande de corriger des vers. Je le ferai. Je montrerai au public ce qu'est l'amour. Un amour semblable au nôtre. Mon lion. Où sont les enfants? Ils dorment dans leur chambre. Tu as l'image même de la beauté. Oui. Viens plus près. Serre-moi fort. Depuis la Révolution et l'inscription des droits d'auteur dans la loi Le Chapelier, l'accès aux scènes parisiennes est la voie royale pour la gloire et la plus rémunératrice. De Lamartine à Balzac, d'Alfred de Vigny à Alexandre Dumas, tous les membres de la nouvelle génération ont tenté leur chance d'imposer le romantisme sur les scènes officielles. Fort de l'appui du baron Taylor, administrateur général de la Comédie française, Hugo assiste à toutes les répétitions. Mademoiselle Mars, sociétaire depuis 1799, les illumine de son talent. Comme aucun auteur ne l'avait fait avant lui, Hugo se mêle depuis la salle de la mise en scène. Ce qui ne va pas sans heurts, commence ce jour glacial de janvier 1830. Va, si jamais le ciel à mon sort qu'il renie souriait, n'y crois pas, ce serait ironie. Épouse le duc. Donc, ce n'était pas assez. Vous aviez déchiré mon cœur, vous le brisez. Mademoiselle Mars est éblouissante. Je suis tétanisé par le froid. Mon cœur et mon âme. Qu'il n'a aucune prise sur elle. C'est toi. Et Firmin. L'ardent foyer d'où il a plus de 40 ans et voit quel Hernani il fait. Ardent comme un jeune homme qui découvre l'amour. Je ne vous en veux pas. Seulement j'en mourrai. Mourir? Pour qui? Pour moi? Se peut-il que tu meures pour si peu? Voilà tout. Très bien. Là, madame, vous vous laisserez tomber sur le fauteuil. Il sera plus à droite. Vous devrez en tenir compte dans vos déplacements. Comment cela, à droite? Il sera au centre de la scène, monsieur. Non, ici, il sera mieux intégré au décor. Dès que je ne joue plus, je suis glacée. Mais, monsieur, que l'auteur assiste aux répétitions est déjà peu commun, mais qu'il se mêle de notre jeu et de la mise en scène, voilà qui dépasse l'entendement. Madame, j'ai tout de même un point de vue privilégié. Vous êtes bien présomptueux pour un aussi jeune homme. Et que savez-vous du théâtre? Êtes-vous une seule fois monté sur scène? Vous me faites un procès en légitimité? Arrête, tu vas le braquer. Les comédiens français connaissent leur métier, monsieur. Nous servirons au mieux votre pièce. Votre texte nous emporte, par sa force, par sa nouveauté. Tu parles pour ton rôle? Le mien est si secondaire que je me demande parfois pourquoi on m'a demandé. C'est l'hymen, c'est autre chose que cet adorable Donia Sol. Madame, ce rôle est essentiel à la pièce. Arrête de le provoquer. Essentiel, oui. Sans toi, ma chérie, pas de passion, pas de drame romantique. Oh, tu pleures, et c'est encore ma faute, et qui me punira? Cela est-il si drôle? Mais non, ne vous vexez pas, c'est notre manière d'être. Allons nous réchauffer, nous nous verrons plus tard, monsieur l'auteur. Mais ne pouvons-nous pas terminer la scène? Il y a... Nul ne vous empêche de rester, de réfléchir si vous voulez un fauteuil en coulisses ou derrière un paravent, puisque vous voulez tout diriger. Nous reprendrons demain au même endroit. Cette scène est admirable. Tu as entendu? Il se moque de moi, elle n'aime plus la pièce. Mais si, elle a froid, voilà tout. Cette façon dont elle me parle. Je suis l'auteur, et je sais comment présenter ma pièce. Il faut qu'elle l'admette. Et quel besoin de me comparer à Molière? Tu as entendu la petite pique? Célimène, c'est autre chose. Il faut des comédiens de caractère à ton œuvre. Elle éblouit Paris depuis 30 ans. Dumas avait bien raison, une petite institutrice revêche. Oh. Tu as mal aux yeux? Pourquoi les frottes-tu sans arrêt? Ce doit être le froid. Oh, remets ton chapeau. Ça ne va pas? Tu as raison, et aussi. Il fait trop froid. Allons nous réchauffer. Je connais un endroit chauffé et fréquenté par des actrices. Jeunes. Attends, il est temps que tu profites un peu de la vie, Nerval. Regarde mes doigts, ils sont tout bleus. Oh, cette chaleur fait du bien. Ce jeune homme ne mérite pas que je souffre autant pour son texte. Tu y allais un peu fort quand même, hein? Tu as vu ça? Tu te doutais qu'il assisterait aux répétitions et interviendrait autant? Absolument pas. Oh. Vigny n'était jamais venu pour le mort de Venise. Il a un sacré talent. Tu ne trouves pas que c'est parfois inutilement compliqué? La force de l'écriture est indéniable, pleine de vitalité. Mais parfois... Oh. Écoute, au moins ça nous sort de la routine de l'Alexandrin classique. Et il se passe toujours quelque chose dans cette pièce. Ça trépide, ça vit, ça meurt. Oui, enfin, parfois, Donia Sol parle comme ma blanchisseuse. Quand je te dis, vous devez avoir froid. Mais c'est le cas, ma chérie. C'est le cas. Arrête. Ouh, Josepha, fais sécher son manteau. Attends, si on ne me rit pas à la figure, je veux bien être Alceste à mon prochain misanthrope. Hein. C'est l'occasion de nous renouveler. Notre public vieillit, Hernani est efficace. Et les nouveautés remplissent les salles. Mmh. Certains vers sont beaux, c'est vrai. Et les personnages éloignés des emplois habituels. Même Donia Sol. Elle est naïve, mais elle n'a pas peur de la mort, cette petite. Dis-le à Hugo. Et sois un peu plus aimable avec lui. Mmh. Tu lui parles parfois comme s'il avait 12 ans. Tu n'aimes pas la pièce? Si. Mais il faut bien qu'il apprenne. C'est le théâtre, ici. Le vrai. Le soir, dans sa maison endormie et battue par les vents, auprès de sa bougie, Victor Hugo, épuisé par les répétitions et ses violentes migraines, refait nerveusement ses comptes. Combien me reste-t-il? 200 francs à peine. Et la première d'Hernani est dans plus d'un mois. D'ici là, je n'aurai aucune rentrée et je devrai compter chaque centime. Et si la pièce est un échec, ses rivalités d'acteurs et ses intrigues de coulisses m'épuisent, comme ses migraines quotidiennes. Mais je dois tenir. J'ai pris un risque énorme en refusant cette pension lors de la censure de Marion. Par orgueil. Oui, c'était de l'orgueil. J'ai mis en danger Adèle et les enfants. Maintenant, je suis condamné au succès. Tu travailles encore ? Je faisais nos comptes. Comme tous les soirs, tu devrais te faire aider. Regarde-moi. Tu as encore mal aux yeux. Le médecin m'a dit que ça durerait pas. Te fais pas de soucis. Viens près de moi. Tu m'as tellement manqué, aujourd'hui encore. Tu es content des répétitions ? Oui. Les décors me plaisent. Les portraits sont très réussis. Tu sais l'importance que je leur attache. Et les comédiens ? Ce sont d'étranges créatures. Certains sont de bonne volonté, d'autres semblent s'en moquer comme de l'an 40 ou me font des demandes saugrenues. Mademoiselle Mars conteste certains vers, tu te rends compte ? Ça t'épuise. Mets-toi en retrait quelques jours. Impossible ! Ah non, c'est mon nom qui figure sur l'affiche. Hernani sera comme je l'entends, et pas autrement. Ce sera un triomphe. Je ne vois plus les enfants non plus, ils me manquent terriblement. Ils ont été gentils ? Adorables, tous les trois, comme d'habitude. Mes petits anges. Et toi, mon Adèle, tu sembles aussi un peu lasse. C'est ce froid qui nous dévore. Le froid, pas forcément. Je suis allée voir le docteur Morissette tantôt. Tu es malade ? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Rassure-toi. Nous allons juste avoir un nouveau bébé. Non. Pour le mois de juillet. Un nouveau bébé ? Pendant que je créais une œuvre, tu commençais à porter un petit ange. Un nouveau bébé ? À partir de maintenant, tu feras très attention. Victor, je ne suis pas malade. Non, tu es le trésor le plus précieux que puisse avoir un homme. Hernani sera un triomphe. Le premier d'une longue série. Pour toi et grâce à toi, mon Adèle. Hélas, j'aime pourtant d'une amour bien profonde. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je un monde, je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Vous êtes, mon seigneur, vaillant et généreux. Ah non, mademoiselle Mars, ça suffit. Vous devez dire, vous êtes mon lion superbe et généreux, que ça vous plaise ou pas. Ah, monsieur Hugo, vous êtes là ? Quelle surprise ! Oui, comme tous les jours. Dites votre texte, je vous prie. Mais je le dis, et je le dis bien, et c'est pour cela que je ne peux pas appeler Firmin mon lion. Imaginez-vous les éclats de rire si je l'appelle mon lion. Mon lion ! Ce n'est pas Firmin que vous appelez mon lion, c'est Hernani. Je n'appellerai personne mon lion. Je laisse ce champ animalier à d'autres. Alors, madame, remettez-moi le rôle. Quoi ? Rendez le rôle. Vous n'êtes plus Donia Sol. Laisse-nous, Firmin, s'il te plaît. Bien volontiers. Rejoignez-moi sur scène, monsieur. Si ça vous fait plaisir. Mais écoutez-moi, vous le serez, madame. Écoutez-moi. Le 25 février, cette salle vide sera pleine d'un public exigeant et averti. Parmi eux, il y aura un nombre important de personnes qui n'auront qu'un objectif. Ridiculiser votre pièce et en faire un échec retentissant, un scandale auquel on associerait définitivement votre nom et qui anéantirait votre réputation et votre carrière. Madame, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il existe des copies d'Hernani qui circulent, plus ou moins falsifiées. Votre texte est déjà tourné en dérision dans tous les milieux qui vous sont hostiles, et cela fait beaucoup de monde. On écrit des parodies, on vous tourne en ridicule. Au théâtre du Vaudeville, ils joueront Hernani avec Charles Quint en montreur d'ours. Comment pouvez-vous le savoir ? Mais que croyez-vous ? Nous connaissons et nous fréquentons les auteurs. Ceux que vous conspuez sans arrêt en ont autant à votre service. Ils se réjouissent déjà du tour qu'ils vont vous jouer. Votre style, lyrique et trivial, est pour eux pain béni. Comment en ont-ils eu connaissance ? Il n'existe que deux manuscrits. Celui sur lequel nous travaillons, enfermé à triple tour à la fin des répétitions. Et celui qu'a gardé la censure ? Briffaut ? Briffaut a fait circuler le manuscrit ou des extraits contre tous les usages. C'est pire qu'un crime, c'est une faute. Allons, modérez votre goût pour l'exagération. Un vrai péril vous menace. Le jour de la première, tous vos ennemis se retrouveront ici, prêts à railler, intervenir, siffler dès que l'occasion s'y prêtera. S'ils connaissent le texte à l'avance, ils prépareront leurs effets et... ce sera un massacre. Vous disiez aimer ma pièce et vous m'annoncez qu'elle périra. Vous pouvez la sauver. Il vous faut pour cela des claqueurs. Ne prenez pas Vaché, il est tout acquis à vos rivaux. Prenez Sauton, c'est le chef de claque du gymnase. Il nous est très attaché, il vous soutiendra. Confier le sort de mon œuvre à des mercenaires dont l'ordinaire est fait des pièces de scribe et de la vigne? Vous n'avez guère le choix, il vous faut une claque. Mais oui, je sais. Je la confierai à mes amis, ils feront la claque. Non, une claque, ça s'organise. Vos amis ne sauront pas faire ça, ils seront submergés. Ce sont des âmes vaillantes et passionnées. Ils ne se laisseront pas impressionner par les genoux du camp d'en face. Les genoux? Oui, ils appellent ainsi les personnes sans guerre de cheveux. Charmants amis. Je vais aller voir le baron Taylor. Il me donnera des billets pour eux. Nerval les choisira, avec Gauthier. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Je vous remercie, madame. Alors ne m'embêtez plus avec votre lion qui ferait rire toute la salle et faites les coupes qu'on vous demande. Cette scène des portraits à l'acte 3, vraiment, c'est impossible. Je l'ai déjà coupé d'un quart. Eh bien, rajoutez-en un autre. Nous verrons. Je vais aller voir le baron Taylor, puis mes amis. Mais je vous promets d'y réfléchir. Merci. Vous êtes mon lion, superbe et généreux. Gérard, j'ai besoin de toi. Dis-moi. Bonjour, Adèle. Bonjour. Les genoux et les perruques ont décidé d'abattre Hernani le jour de la première. Ils seront présents en masse dans la salle pour saboter la représentation. Non. Écoute, le baron Taylor m'a donné des places que je peux répartir à ma guise. Si toi et des gens de ta trempe acceptaient de défendre Hernani contre mes rivaux, l'affaire peut être sauvée. Mais il faudrait une centaine de personnes, et des personnes sûres. Une centaine? Je t'en trouverai 10 des centaines. Tout ce que Paris compte de jeunes poètes, peintres, musiciens, sculpteurs, n'attend qu'un signe de toi pour voir et défendre un ami. Alors l'affaire peut être gagnée. Dites-moi ce que je dois faire. Le baron Taylor a exigé que les billets soient nominatifs et distincts de ceux délivrés par le théâtre. Nous avons donc acheté du papier rouge pour en faire des billets. Ils seront tous griffés du mot « hierro ». Faire en espagnol. Oui. Ce sera notre cri de guerre. Hierro. Envoyez ici tous les gens que vous estimez dignes de faire partie de cette... De cette armée. Je leur remettrai un billet à leur nom. Mais dites-leur bien que la partie sera rude. Mais exaltante. C'est à notre jeunesse que revient l'honneur de défendre Hernani. Je remets ma pièce entre vos mains, mes amis. Hierro. Le 25 février 1830, dès 1h de l'après-midi... Une horde chevelue, barbue, étrangement vêtue de chapeaux à la Henri III ou de manteaux à l'espagnol, munie de billets rouges, investit la salle Richelieu en bordure du palais royal. À cheval sur les banquettes, riant, chantant, buvant tout l'après-midi et se soulageant dans les loges du quatrième en l'absence des ouvreuses, les jeunes romantiques accueillent avec sarcasme le public habituel, fait de robes de soie et de dentelles, de bijoux et de rubans rouges. Le tout Paris est là pour assister à un affrontement que la presse annonce depuis une semaine. Chateaubriand en personne rejoint une loge juste avant le lever du rideau. Avant d'entrer en scène, Mademoiselle Mars, coiffée d'une capeline et vêtue de la somptueuse robe créée spécialement pour elle par Louis Boulanger, s'approche de l'auteur qui a l'œil rivé au trou du rideau de scène. Vous permettez de regarder le public qui m'attend? Oui, bien sûr. Quel tintamarre! Monsieur, je vous fais mon compliment. Jamais pareil public n'a mis le pied ici. Ils sont propres, vos amis. Ce soir, madame, mes amis sont les vôtres et combattent vos ennemis. Vous avez mon sort entre vos mains. Seigneur. Eh bien, allons dans la fosse aux lions. Au lever du rideau, Victor Hugo, chancelant et mort d'inquiétude, reste seul à l'écart dans les coulisses. Incapable de regarder le spectacle, il écoute les acteurs et guette les réactions du public. Dona Sol, ah, c'est vous que je vois, enfin. Ça y est, et cette voix qui Hernani est devant tout ce peuple immense. Pourquoi aux yeux de flamme. Est-il mes jours si loin des vôtres? La salle est silencieuse. J'ai besoin de vous pour oublier les autres. Et si j'échouais? L'entrée de Mademoiselle Mars n'est pas saluée d'applaudissements, ni de sifflets, Vous devez avoir froid. Ce n'est rien. Déjà la deuxième scène. Si Firmin joue faux, c'est fini. Oh, vieillard insensé! Pendant que d'une main, il s'attache à la vôtre, ne voit-il pas la mort qu'il épouse de l'autre? Il vient, dans nos amours, se jeter sans frayeur. Vieillard! Va-t'en donner mesure au fossoyeur! Le parterre applaudit. Ce brave Nerval fait son office. Comme Gautier, comme Balzac. Les soldats des galeries leur répondent. On dirait que les murs de la salle tremblent. L'avenir sort de l'ombre avec le bruit du tonnerre. Hugo entend les applaudissements couvrir les moqueries de ses ennemis lors des deux premiers actes. Légèrement rassuré, il profite du changement de décor pour féliciter Firmin, somptueux en Hernani, paré d'un pourpoint bleu garni d'aiguillettes, d'une lourde épée de chevalier, d'un chapeau rond étoffé de rubans noirs et d'un long manteau brun. Firmin, bravo. Ne vous réjouissez pas trop vite. Vos amis dominent la salle pour le moment, mais tous attendent l'acte 3. Là, tout peut changer. Recevez déjà mes remerciements d'être un si grand Hernani. Allez voir Mademoiselle Mars. De tous ces applaudissements, peu sont pour elle. Elle doit être dans de mauvaises dispositions. C'est votre devoir d'auteur de la remonter. Vous avez raison. Vous voyez, monsieur l'auteur, tout va très bien pour votre pièce et pour ces messieurs. Madame, si tout se passe aussi bien, c'est grâce à vous. Et tout le succès sera pour vous dans les actes à venir. Avec un rôle comme celui-là, quel parti voulez-vous que j'en tire ? Les derniers applaudissements seront pour vous, et c'est ce que tout acteur recherche avec raison. Ce que nous recherchons. Souhaitez-moi bon courage. L'acte 3, raccourci, surprend les ennemis de Victor Hugo et recueille des tonnerres d'applaudissements. Déjoué par cette manœuvre tenue secrète, le traquenard tombe à l'eau. L'acte 4 voit les acteurs portés par l'enthousiasme de la jeunesse vibrante et tapageuse. L'éclatant décor du dernier acte éblouit la salle entière quand un silence quasi religieux accompagne Mademoiselle Mars dans l'ultime scène qui voit son personnage expirer. C'est maintenant, c'est la fin. Mon amour, nous allons savoir. Tiens-toi vers moi, tourné, plus près encore. Morte. Oh, je suis damné. Cette clameur. Victor, c'est gagné. Ah, Mademoiselle Mars, bravo, madame. Le chef-d'œuvre perpétuel, c'est vous. Est-ce là tout? Est-ce qu'on ne s'embrise pas entre auteur et acteur après un succès comme celui-là? Déstabilisé par les modifications opérées au dernier moment par Hugo, dépassé par l'enthousiasme délirant de la claque organisée par Gérard de Nerval et Théophile Gautier, les tenants de l'ordre ancien perdent la première bataille d'Hernani. Réclamé par la salle exaltée, Victor Hugo est porté en triomphe et raccompagné jusque chez lui par des dizaines de jeunes gens. Chateaubriand lui dira « Je m'en vais, monsieur, et vous venez ». Cette première bataille se renouvellera à chaque représentation jusqu'au mois de juillet 1830. Ses plus fidèles amis, avec toujours Nerval et Gautier à leur tête, sont présents tous les soirs et en viennent parfois aux mains pour faire respecter leur mentor. Grâce à cela, au fil des représentations, Briffaut et ses amis sont balayés, comme le pouvoir de Charles X le sera quelques mois plus tard par la Révolution de Juillet. Quelle soirée! Des applaudissements, un triomphe, 6000 francs de recettes quand il m'en restait 50, et je rentre, entouré comme un empereur par de fidèles grognards. Cette nuit, je le crois, décide de nos vies. Il me reste tant de choses à accomplir. Puisse le temps et la force ne pas me manquer. Victor Hugo et la bataille d'Hernani de Jean-Baptiste Sabiani avec Victor Hugo, Mathurin Voltz, Charles Briffaut, Olivier Balazuc, Adèle Hugo, Juliette Alain, Gérard de Nerval, Grégoire Isvarine, Mademoiselle Mars, Johanna Nizar, Firmin, Gabriel Dufay, Bruitage Bertrand Amiel, prise au son, montage et mixage Bernard Laniel et Antoine Viossa, assistante à la réalisation Alexandra Garcia Villa, réalisation Baptiste Guiton. Vous écoutez Autant d'emporte l'histoire sur France Inter. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Victor Hugo et la bataille d'Hernani avec mon invité Florence Nogrette. Walking down the street or walking on the moon. What's it matter? Out of my cocoon. Step into the sunshine. Man, it feels good. Birds and bees jamming. A theme for the neighborhood. Are We All Right Again sur France Inter, Autant d'emporte l'histoire, réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Céline Guéribi. Florence Nogrette, est-ce qu'on peut dire que la victoire d'Hernani marque vraiment une rupture avec le monde ancien, le monde d'avant, il arrivait vers autre chose, le monde de la jeunesse? Oui, après Hernani, rien ne sera plus jamais comme avant. Mais en même temps, il y a quand même une continuité. C'est-à-dire que le romantisme était déjà là avant Hernani. Ce que Hugo fait, c'est advenir quelque chose qui était déjà en marche, hein, c'est-à-dire une transformation du goût depuis déjà le XVIIIe siècle, hein, depuis le drame bourgeois du XVIIIe siècle, depuis le mélodrame à l'époque de la Révolution française et qui continue encore sa carrière pendant le XIXe siècle, qui est un genre violent, un genre avec des émotions fortes, hein, où il y a déjà du mélange du comique et du tragique. Oui, la fameuse unité de lieu et de temps aussi de la tragédie, elle avait déjà été explosée. Elle avait déjà été explosée dans le genre du mélodrame. Qu'est-ce qui choque alors justement dans Hernani ? Ce qui choque dans Hernani, c'est qu'on a une pièce qui a la dignité esthétique d'une tragédie, mais qui importe sur la scène du français une esthétique qui est plutôt celle du mélodrame. C'est ça qui choque finalement, c'est la conflagration des deux. quelques années plus tard encore à la Comédie-Française, ce qui choquera en 1835 dans Chatterton, la grande pièce de Vigny, c'est que Marie Dorval, l'héroïne qui joue Kitty Bell, dégringole un escalier, elle meurt ainsi, enfin elle a une sorte de pamoison qui fait que elle s'agrippe à la rampe, et puis quand elle arrive en bas de l'escalier, elle est morte. Et ça, on voyait ça sur les scènes populaires, hein, sur les scènes du mélodrame, ou bien c'était de l'expression corporelle, enfin une gestuelle extrêmement acrobatique que l'on pouvait voir chez Madame Saki, qui était une acrobate, oui, ou dans sur la le pantomime, boulevard du Temple, oui. Ou dans la pantomime, voilà, oui. c'est une action muette, extrêmement démonstrative et extrêmement expressive, mais la pantomime, en principe, c'est un genre populaire qui n'a pas à être intégré dans la tragédie. Et puis c'est l'irruption aussi un peu du trivial. On entend votre manteau ruisselle, vous devez avoir froid. C'est quelque chose qui, à l'époque, enfin aujourd'hui, ça nous semble une grande banalité, mais à l'époque, c'était quelque chose qui était choquant. Tout à fait. Parler du corps. Alors, parler du corps, ça se faisait à la foire au XVIIIe siècle, hein, dans les spectacles de foire, à la foire Saint-Germain, à la foire Saint-Laurent, ça, oui, bien sûr, on parlait du corps, il y avait même des représentations scatologiques sur la scène, des pots de chambre, enfin, ce genre de choses. Mais parler du corps dans la tragédie, à la Comédie française, c'est ça aussi qui choque. Et du reste, ça fait partie de ce que la censure, dans un premier temps, avait demandé à Hugo d'édulcorer, et ça fait partie, dans un second temps, de ce que Hugo lui-même, pendant les répétitions, en écoutant les conseils des acteurs, en écoutant les conseils de ses amis aussi, gomme un petit peu et parfois supprime. Par exemple, il y a un passage où Don Ruy Gomez, donc le vieux, propose sa tête au roi qui est venu lui demander de lui livrer son prisonnier, c'est-à-dire Hernani, et par honneur aristocratique, Don Ruy Gomez propose de se livrer lui à la place du prisonnier. Don Carlos refuse et il lui dit, le bourreau, en parlant de cette tête, hein, le bourreau la prendrait par les cheveux en vain, tu n'en as pas assez pour lui remplir la main. Don Ruy Gomez répond, la tête d'un Silva, vous êtes dégoûté. Et bon, ça, Hugo, pendant les répétitions, le supprime, parce que c'est trop trivial. Ouais. Est-ce que c'est l'influence de Shakespeare aussi qui se joue là? Parce que absolument. Shakespeare, bon... L'influence de Shakespeare est aussi très grande sur Victor Hugo, et dans le grand ouvrage William Shakespeare, hein, qu'il écrira pendant l'exil, et qui parle à la fois de l'œuvre de Shakespeare, mais aussi de sa propre position de génie dans le monde, hein, et de ce que doit être le rôle du génie de l'écrivain ou de l'artiste dans le monde, Hugo cite tout ce qu'il aime chez Shakespeare et il dit qu'il aime tout chez Shakespeare en bloc, sans rien expurger, là où à son époque on avait tendance à dire, ah oui, il y a des beautés chez Shakespeare, mais il y a aussi toute une lie qu'il faut expurger des adaptations. Et lui, il dit non, moi chez Shakespeare, j'aime tout. J'aime the buttock of the night, c'est-à-dire le derrière, hein, de la nuit, ou j'aime empty the Jordan, c'est-à-dire vider le pot de chambre. Ouais. J'aime tout, c'est un ensemble. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est ça qui choque. Et en quoi Hernani est une pièce romantique? Et en quoi elle a plu à ces jeunes romantiques? Qu'est-ce que c'est que le romantisme, finalement, si on peut l'expliquer en quelques mots? Hugo lui-même, dans la préface d'Hernani, dit que le romantisme à tout prendre n'est que le libéralisme en littérature. Ouais, c'est beau, ça. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est le « n'est que » et le « à tout prendre ». C'est-à-dire, ne faisons pas non plus du romantisme à ce point un mouvement combattant contre le classicisme. C'est un mouvement qui combat pour la liberté. Oui, c'est le combat pour la liberté en littérature, en théâtre, dans l'art. Pour la liberté en littérature, pour la liberté dans l'art, et pour la liberté de s'inspirer de l'actualité ou de l'histoire, de prendre son bien là où on le trouve, chez Shakespeare, chez Molière, chez Corneille. Hugo a une immense admiration pour Molière et Corneille, pour La Fontaine aussi, et il l'exprimera dans toute son œuvre critique. Les romantiques ne s'opposent pas aux classiques. Les romantiques s'opposent aux néo-classiques, c'est-à-dire aux auteurs de l'époque qu'ils ne veulent pas faire avancer le goût et qui pensent qu'il y a un absolu du goût et que cet absolu du goût, ça serait le théâtre tel qu'on l'a écrit au XVIIe siècle. Hugo et les romantiques adorent ce théâtre-là, mais ils ne pensent pas que ce soit un absolu. Et dans le mot liberté, forcément, il y a une dimension politique qui est sous-jacente. Il y a une dimension politique qui est sous-jacente. C'est-à-dire donc il y a une dimension politique aussi à cette bataille d'Hernani. Oui, parce que on se trouve 30 ou 40 ans après la Révolution française et la Restauration a été un moment rétrograde. Donc il s'agit aussi de renouer avec les idéaux de la Révolution française qui ont été un petit peu abandonnés, mais qui reviennent avec 1830, avec la Révolution de 1830. Et pour ce qui est du théâtre, il y a l'idée aussi que le théâtre doit s'adresser à tous, au peuple. Oui, il y a cette idée-là dont Hugo a été un des grands vecteurs. Et c'est pourquoi Jean Villard voulait mettre la formule vive Victor Hugo au fronton du TNP par boutade un jour. C'était l'époque où Jean Villard donc créait le théâtre populaire. C'était l'époque où il créait le Festival d'Avignon d'abord, puis le Théâtre National Populaire dans les années 50. Et si on fait l'histoire de l'idéal d'un théâtre populaire qui soit un théâtre de qualité pour tous. Cette histoire, elle commence au XVIIIe siècle avec Condorcet, qui l'a beaucoup théorisé, cet idéal. Elle va jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, avec tous les théâtres nationaux, les centres dramatiques nationaux, régionaux que nous avons. Mais un des maillons, c'est Hugo, Villard, Vitez. Ouais, Vitez, l'élite pour tous. Voilà, le théâtre élitaire pour tous. Ce que je trouve beau aussi dans cette histoire, Florence Nogrette, c'est le rôle donc qu'ont joué les comédiens dans cette pièce, dans le succès d'Hernani. On l'entend, Mademoiselle Mars, Firmin, qui eux-mêmes prennent des risques quand ils sont sur scène. C'est eux qui sont au casse-pipe sur scène face à ce public en grande partie hostile. Et Victor Hugo les écoute. Finalement. Oui, oui, oui. On a parfois un petit peu caricaturé le rapport de Hugo à Mademoiselle Mars, mais dans votre fiction, de manière tout à fait juste, on entend aussi que Hugo écoute Mademoiselle Mars. C'est un rapport vraiment un échange dialectique. Et eux, les comédiens, ont un rôle essentiel et très difficile parce que le propre du théâtre romantique, c'est de faire bouger la grille des emplois. Ce qu'on appelait les emplois à l'époque, qui étaient le type de personnages sur lesquels un acteur ou une actrice était recruté et qui avait un certain nombre de caractéristiques. Le propre du théâtre de Hugo, de Musset, de Vigny, de Dumas, c'est de partir évidemment de ces emplois, mais de les faire évoluer. Et une première aussi, Victor Hugo, un auteur de théâtre qui donne des directions aux comédiens. D'ailleurs, dans la pièce elle-même, c'est extrêmement précis. Le comédien va à droite, à gauche, le décor, les costumes, c'est nouveau. Oui, c'est assez nouveau. Jusqu'à présent, les auteurs qui pratiquaient ça, c'était les auteurs de mélodrames. Donc de mélodrames sur les scènes populaires, qui développaient beaucoup de didascalie parce que les mélodrames sont des spectacles vraiment optiques, où il y a des clous de mise en scène. Et Hugo, à cette école-là, lui aussi, rajoute des didascalies entre la première version qu'il écrit et qu'il fait lire à ses amis, et la version qu'il dépose à la Comédie Française. Entre les deux, il rajoute des didascalies et il assiste aux répétitions, comme on le voit bien dans votre fiction. Il assiste aux répétitions. Il est un des premiers auteurs, non pas de mélodrame, mais de drame, à être metteur en scène, à collaborer à la mise en scène. Merci beaucoup Florence Nogrette de nous avoir rappelé cette belle histoire. Vous avez écrit notamment Le théâtre romantique aux éditions du Seuil dans la collection Point Essai, Le théâtre de Victor Hugo aux éditions Ides et Calandes, et à lire également bien sûr Hernani, la pièce de Victor Hugo disponible dans la collection GF Garnier Flammarion avec une préface de vous, Florence Nogrette, et ça ne coûte que 2,90€. Voilà, c'est la fin pour ce soir de Temps n'emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends aussi vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons au Tibet en compagnie d'une femme extraordinaire, Alexandra Davinel, qui après une marche clandestine de plus de 2000 km, fut la première femme occidentale à entrer dans Lhasa en 1924. Alexandra Davinel au Tibet, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.